Pleure pas, t'as les yeux trop beaux pour ça, pleure pas. Viens-moi, je pleure avec toi, pleure pas. Mon pauvre grand, je peux pas voir ça, tais-toi. T'as le cœur qui m'éclate dans les bras. Mon amour, parle-moi, raconte-moi. Et d'abord, à mon tour, tu vas voir, je pleure mieux que toi. Pleure pas, t'as les yeux trop beaux pour ça, pleure pas. Quand tu pleures, je suis sur ma croix, tu vois. Tu me fais mal, mais t'as pas le droit, pleure pas, pleure pas. Mon grand bonhomme, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas le cœur à la même place, je le vois bien. Et si tu pleures, qu'est-ce que je vais faire? T'as du chagrin, mon Dieu, misère, et je n'y peux rien. Pleure pas, t'as les yeux trop beaux pour ça, pleure pas. Souris-moi au moins une fois, une fois. Et après t'as tous les droits. Voilà, tu m'as dit ce qu'il ne fallait pas. Mon amour, c'est donc ça, tu m'aimes plus. On n'avait qu'un amour. Et ton cœur l'a perdu. Pleure pas. On change tout, ça vient, ça va. Pleure pas. Tu verras, tout s'arrangera. Pourquoi? Mais pourquoi, puisque tu vois, je pleure pas, moi. Je pleure pas.